Du jamais vu chez Delbault Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbault Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Très, très beau livre qui a été lancé. Ça devait être initialement lancé le 13 de mars. Ça a été reculé de deux semaines. Mais moi, je l'ai reçu quand même en primeur quelque part au milieu mars. Baseball PQ, une histoire illustrée par Marc Defoy du Journal de Montréal. On connaît tous Marc Defoy comme journaliste du Journal de Montréal, mais je pense que quand on le lit à tous les matins, on peut voir que c'est un gars quand même qui aime beaucoup le baseball et les autres sports. Et c'est un très, très beau livre. Et question de savoir un peu pourquoi il a écrit ce livre-là, on lui parle. Salut Marc! Bonjour Danny. Marc, très, très, très beau livre. Par contre, on s'en est parlé un peu sur les médias sociaux. Le livre, il n'y a pas de doute que c'est un très beau livre. Là. Par contre, j'ai été un petit peu déçu parce que la question que je me pose, c'est-tu l'histoire du baseball au Québec ou c'est l'histoire du baseball à Montréal? Ben, écoute, la question est du sim. Moi, je pourrais te dire, c'est sûr que ça regarde plus que ce qui s'est passé à Montréal. Parce qu'on parle davantage du baseball professionnel, on parle davantage des Royaux et des Expos. Je touche très superficiellement là, les équipes qu'on a vues dans la Ligue Eastern autrefois, les Carnavals de Québec, les Aigles de Trois-Rivières, les Pirates de Sherbrooke. Ouais. Mais c'est plus un recueil, c'est pas une encyclopédie, c'est plus un recueil, c'est plus des souvenirs que les éditions du Journal de Montréal voulaient rappeler aux gens. Surtout ben, cette année, ça coïncide avec le 50e anniversaire des débuts des Expos, puis on a profité du passage des Blue Jays à Montréal pour lancer le produit il n'y a pas longtemps. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on aurait pu mettre davantage l'emphase sur le baseball en province? Sans doute. Mais je te dirais que pour l'avoir fait, là, que les archives sur le hockey, on peut trouver pratiquement n'importe quoi. Okay. Mais sur le baseball, c'est pas évident. Okay. C'est pas évident. Il n'existe pas beaucoup de choses. Pour ce qui est de Montréal, moi, bon, j'avais mes souvenirs personnels, mais je me suis référé aussi aux archives de la ville de Montréal. Okay. Le musée Macron nous a aidés pour les photos. Mais quand on fait la recherche, là, qu'est-ce qui s'est fait un peu partout au Québec, là, et je te dirais que c'est très mince. Je te dirais que c'est très mince. Et j'avais pas vraiment beaucoup de temps là, pour. Okay. J'avais une fenêtre là, de quelques mois pour faire ça. Donc, okay. On a sorti ça cette année. OK. J'aurais aimé ça. Capitales. J'aurais aimé ça que les capitales de Québec. Parce que Michel Laplante à Québec a fait un travail. Tu sais, quand les expos, pour c'est ça, tu vois. Je vais te rappeler de cette époque-là. Quand les expos sont partis, le baseball, tout le monde au Québec en avait un petit peu rôle-pompon du baseball. On avait été échaudé. Ouais, ouais. Michel Laplante a pris le bâton du pèlerin, a traversé la traversée du désert. Et j'aurais aimé ça. Puis c'est pas une critique, c'est plus un constat. Éric Gagné, le premier, quand le vent virait de bord, c'est quand Michel Laplante a réussi à signer Éric Gagné avec les Capitales de Québec. Ben, moi-même, je suis allé souvent voir les capitales. J'étais allé une fois, peut-être que je pourrais y aller plus souvent parce que ma belle famille est à Québec. Okay. Mais non, c'est écoute, peut-être dans une prochaine fois, je sais pas. On parle surtout du passé. Ouais. C'est sûr que on aurait pu parler des débuts des capitales, mais les capitales, c'est le présent. Donc c'est l'explication que je peux te donner. OK. Puis, donc, c'est plus un recueil, OK. Mais c'est un très, très beau livre, par contre. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Ben moi, on m'a présenté, les éditions de journal, l'éditrice Mylène Deschenaux, qui m'a présenté le projet. M'a présenté ça, l'an dernier, là, durant l'été, je pense. OK. Je me rappelle bien. Donc, j'ai travaillé là-dessus pas mal à l'automne. Et moi, ça me plaisait parce que je sais que, bon, on m'identifie comme un gars de hockey, mais j'ai toujours aimé le baseball et j'ai eu la chance de grandir à deux pas du Stade Jarry. OK. Moi, j'ai joué là, au Stade Jarry, avant que les Expos, avant que le stade soit agrandi. Et j'ai joué là. C'était mon terrain de jeu. Là, on jouait partout. Ben, il y avait plusieurs losanges à cette époque-là dans le parc Jarry. Il n'y avait pas seulement le stade là, qu'on connaît, là, la demi-lune, ouais, qui est encore là aujourd'hui. Là. Donc, à l'époque, à mon époque, je sais pas quel âge je suis d'année, mais... 46. Moi, je suis... Bon, pardon? 46 ans. Bon, moi, j'ai 65 ans. Ouais. Probablement que c'était peut-être pareil pour toi, je sais pas, mais moi, dans le temps, l'hiver, c'était le hockey et l'été, c'était le baseball. Ah ouais. C'était les deux sports de prédilection au Québec. Il y a plusieurs joueurs québécois de la Ligue nationale qui jouent au baseball junior l'été. Lucien Deblois, là, c'est le premier nom qui me vient en mémoire. Là, Lucien Deblois a joué à Joliette, je pense. Il y a plusieurs joueurs qui jouaient. Guy Charron, qu'on a vu derrière le banc là, comme entraîneur, ouais, du Canadien, mais il a quand même connu une carrière dans la Ligue nationale. On dit que Pierre Turgeon a joué à Verdun. Pierre Turgeon a été un excellent joueur. Très bon. Il a participé. Lui et Stéphane Matteau, ouais, ont représenté le Canada au championnat des petites ligues à okay. Williamsport. Oui, OK. Donc, il y a plusieurs. Et moi, ben, c'est ça. À l'époque, c'était ça. Puis, quand les expos sont arrivés, ben, Montréal vivait une période incroyable. C'était les années 60. Montréal, c'était. Aujourd'hui, c'est un peu ça, mais c'est d'autres projets. Mais Montréal, dans les années 60, c'était un chantier. Ouais. On a bâti le métro a ouvert en 66. Il y a eu l'Expo 67. En 68, on nous annonce que le baseball majeur s'en vient à Montréal. En 1970, on obtient la présentation des Jeux olympiques de 1976. Ça arrêtait, c'était un feu roulant. Puis les Expos, quand sont arrivés, moi, malheureusement, j'ai pas vu les Royaux. Là. Quand les Royaux ont quitté, j'avais 6 ans. Mais j'en avais entendu parler beaucoup par mes oncles, mon père, les Royaux. On parlait de ça à l'époque. Et quand le baseball est arrivé, moi, j'ai vu des gens, là, des gens qui avaient connu les Royaux. Pour eux, c'était phénoménal. Ouais. Et le parc Jarry, bon, ça ressemblait pas à un stade des ligues majeures. Faut le dire, là, c'est un stade temporaire. Mais l'ambiance qu'il y avait là, les gens qui nous écoutent là, qui ont vécu cette époque-là, vont, écoute là, on peut en parler pendant des heures, parce qu'on allait là pour voir du baseball, oui, du baseball majeur, oui, mais on s'amusait, c'était comme une foire. Aller au parc Jarry, c'était comme aller dans une foire. Okay. Il y en avait pour tous les goûts. Il y avait la musique de Fernand Lapierre. Il y avait le Giguère et Claude Desjardins. C'était vraiment. Puis les joueurs aimaient ça, quoi, à Montréal. Pas seulement les joueurs des Expos, mais les joueurs des autres équipes, venaient à Montréal, ça leur plaisait. Ah, c'était vraiment une époque. Au stade olympique, ça a été autre chose. On a beaucoup critiqué le stade olympique dans les dernières années, mais on semble oublier que lorsque les Expos ont aménagé au stade olympique, en premier, il y a eu l'effet curiosité. Mais ensuite de ça, ça n'a pas pris de temps. À partir de 1979, on avait un bon club. Les Expos étaient experts pour recruter et développer des jeunes joueurs. Donc, on allait au stade olympique en 1979, 80, 81. Les assistances de 60 000 personnes, là, c'était pas rare, là. Il y en avait du monde. Les Expos ont tiré plus de 2 millions de spectateurs à cette époque-là. Ouais. C'est des années qu'on semble avoir oubliées. C'est sûr que ça s'est mal terminé, malheureusement, parce que le système économique du baseball, ça aidait pas vraiment les équipes. Il y a vraiment les équipes les plus riches qui en profitaient. Mais aujourd'hui, c'est mieux. Ben oui, c'est clair. C'est mis, puis moi, je suis de ceux qui croient que le baseball majeur va revenir à Montréal. Ben oui, puis ça, c'est. Puis ça pingue, ça va fonctionner, ça fonctionnera. Écoute, j'étais. Les gens qui se posent des questions, là, sur le retour des expos, si ça marcherait pas. Moi, je dis toujours, regarde, en partant, t'es une péréquation, t'as un partage des revenus. C'est pas une péréquation, c'est plus un partage des revenus. Et après ça, ben, tu n'avais pas ça dans le temps. Puis après ça, tu as toutes sortes d'affaires. Et Montréal, là, Marc, tu es allé aux États-Unis. Moi, je suis allé voir plusieurs matchs aux États-Unis, à Pittsburgh, à Détroit, à Cleveland, à Chicago. Je peux te dire que Montréal n'a jamais eu de stade de vrai stade de baseball. Il y a un stade au centre-ville, c'est toute la différence. Là-dessus, là, Danny, là, tu as un très bon point. Ouais. On n'a jamais eu, tu l'as dit, on n'a jamais eu... Bon, on n'a pas connu le stade de l'Orny. Non. Mais les Expos n'ont jamais joué dans un vrai stade de baseball. Ouais. Le Parc Jarvis, c'était bien, on s'est bien amusé. Mais le stade olympique, c'était trop grand. Et un vrai stade... Moi j'ai avec à raison de mon travail, j'ai eu la chance de... Probablement, toi, tu me dis que tu es allé souvent. J'ai vu plusieurs stades aux États-Unis, les nouveaux stades. J'ai vu Détroit, Pittsburgh, Colorado... Philadelphie, j'en ai fait plusieurs. Et l'an dernier, j'étais allé au match des Étoiles à Washington. C'est que il y a des quartiers qui naissent avec ces stades-là. Ben, le Camden, tu parles de Washington, je peux te dire que le Camden Yard à Baltimore, où ça a été construit avant, c'était une zone dangereuse. Et ça a complètement revitalisé le Camden Yard de Baltimore. Ben, même chose à Washington. À Washington, le quartier était le quartier le plus dangereux. La capitale américaine. Hey. Les gens n'osaient pas s'aventurer là. Il y avait des meurtres là, à tous les jours. Et aujourd'hui, on va là. Puis dans le dernier, j'ai regardé ça. Là, j'ai revu, je voyais le Griffintown où on projette de bâtir le stade. C'est la même chose. Beaucoup de nouvelles habitations, des tours en condo, des bars, des bistrots, des restaurants, une station de métro qui est à 5 minutes du stade. C'est vraiment fantastique. Ils ont développé un nouveau quartier. Puis c'est ce qu'on veut faire à Montréal. Là, on voit, M. Bronfman, c'est Claridge, les investissements à Claridge. Bon, eux, ils font dans l'immobilier. On veut bâtir un stade au bassin Pire. Mais on est prêt à travailler avec Davinco, la firme Davinco, veut développer un secteur résidentiel et commercial dans le même coin. Donc, les astres sont alignés. La question qu'on peut se poser, comment ce stade-là va être financé? Faisons confiance au groupe de M. Bronfman. Moi, je pense qu'il y a un plan, là. Je suis sûr qu'il y a un plan sur la table. Et que ce plan-là a été présenté aux autorités compétentes. Du côté de M. Bronfman, on dit non, on veut rien demander à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal peut aider pour les infrastructures. Ça, je pense, on parle déjà avec le REM, la station du réseau express métropolitain. Madame la mairesse a dit la semaine dernière que si il y a un stade, pas de problème, on va en faire une station près du stade. Ça, c'est déjà acquis. Qu'est-ce qu'on va demander du côté du gouvernement du Québec? Je sais pas. Je ne sais pas comment ça peut... Mais je pense que ça peut se faire de plusieurs façons. Mais oui, il y a toutes sortes d'enjeux. Si un Américain comme George Lett a pu obtenir un prêt de la Caisse de dépôt et placement pour l'achat du Canadien, je me dis que peut-être qu'on peut faire la même chose pour la construction d'un stade à Montréal. Ben effectivement. Puis l'impôt des joueurs. Rappelle-toi que Claude Brochet avait proposé à Lucien Bouchard l'impôt des joueurs. Lucien Bouchard avait dit non. Est-ce que le Québec a sorti grandi parce que Lucien Bouchard a dit non? Poser la question, c'est y répondre. Il faut penser plus loin. On veut pas bâtir on veut pas utiliser de l'argent public pour financer des entreprises comme le baseball. Faut faire la part des choses, là. Le baseball, là, comme le hockey, c'est une entreprise. Ça génère des revenus. Ça crée des emplois. Moi, je regarde le Canadien aujourd'hui. Je me rappelle de l'époque du Forum. À l'époque du Forum, le Canadien comptait peut-être 50 employés permanents. Allez voir aujourd'hui combien il y a d'employés qui travaillent pour le club de hockey canadien et sa section des spectacles et divertissements d'Evenco. C'est quelques centaines de personnes, là. Des emplois réguliers et, je pense, assez bien rémunérés. C'est la même chose au baseball. Ça va créer des emplois, non seulement par le club de baseball, mais autour. autour du stade, ça va, il va y avoir des entreprises qui vont vivre, qui vont dépendre de la présence d'un club de baseball. Donc, il faut penser plus loin que notre bout du, au bout du nid, là. C'est pas juste une question, là, de c'est pas juste une question, là, bah, c'est du divertissement, du plaisir. C'est plus que ça. Ben oui. Marc, écoute, c'est pas rien que des emplois, parce que les gens qui vont dire oui, mais c'est rien que des employés qui vendent des hot dogs. C'est pas mal plus que ça, là. Non. Aujourd'hui, là, les clubs, les équipes sportives, les organisations sportives, là, on va parler de celles qui sont établies en Amérique. Il y a plusieurs. Bon, d'abord, on sait qu'on connaît l'importance que les organisations accordent au marketing. Donc, on embauche des experts en marketing. Les équipes ont toutes leurs plateformes multimédia, produisent leur information. Donc, il y a un paquet de gens, là. Il y a un paquet de gens, là, qui travaillent dans une organisation. Écoute, je me risque, là, mais je pense qu'au Centre Bell à Montréal, je pense qu'il y a quelques 400 à 500 employés là, dans ce building-là. Oui. Permanent, là. On ne parle pas des gens, là, les employés occasionnels, là, ceux qui travaillent les jours d'événements. Là. Mm. On parle d'employés, d'emplois permanents, à plein temps. Ouais. Donc, puis c'est... Puis ceux qui sont pas allés au Centre Bell ces dernières années, disons depuis, je dirais, mettons, 5 ans. Ah ouais, c'est clair. Retournez-y aujourd'hui. Ah. Regardez les alentours. C'est un autre centre-ville. C'est un deuxième centre-ville qui s'est bâti. Le coin est en effervescence. En bas de René-Lévesque, là, au sud de René-Lévesque, autrefois, bon, c'était très industrialisé, des vieilles manufactures. Mais là, c'est plus ça là, qu'on voit là. Non. C'est plus ça. Près du canal de la Chine, où on projette de faire le stade de baseball. On trouve des entreprises en technologie, en informatique. C'est plein. C'est rempli de ça. Nous-mêmes, là, au Journal de Montréal, le bureau de la rédaction est situé sur la rue Wellington, entre King et Queen. Mais le building, ça s'appelle, c'est dans le building Cité Multimédia. Ouais. C'est plein d'entreprises là, de logiciels, d'informatique là-dedans. C'est des jeunes. Moi, je vais à l'occasion, puis c'est plein de jeunes, là, puis on voit ça, hein, la jeune génération, et ils ont de bons emplois, ça travaille fort, et moi, je pense que ça peut pas manquer à Montréal. Je pense, les temps ont changé. Depuis 15 ans, là, il y a eu une période, là, où, bon, le baseball, on voulait plus rien savoir de ça, là, il y a eu une période, là, de deuil. Ensuite, ben Montréal a connu des années, il faut le dire, là, a connu des années difficiles parce qu'on a mis trop de temps à renouveler nos entreprises. Mais là, Montréal est en... Il y a un boom à Montréal. Il y a un buzz, on le voit, là. Et c'est sûr qu'un club... Parce que Montréal est... C'est sûr qu'un club de baseball, Marc, ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est visibilité. Puis les gens, écoute, les gens qui disent, faut arrêter d'avoir peur. T'as fait des villes, j'en ai fait aussi, je t'ai nommé les villes. Hey, écoute, à Détroit, là, quand je suis allé en 2015, je sais pas si ça a changé, là, mais la moitié de la ville était pas éclairée parce que la ville est en faillite. Puis ça n'a pas empêché Tigers d'avoir un club puis de bien aller. Ça, c'est la famille Elitch, là. Les propriétaires des Tigers et des Red Wings, on le sait, là, c'est la famille Elitch. Donc, à côté du stade de baseball, il y a le stade de football. Ouais. Ce secteur-là, là, avant, c'était une zone de combat. En anglais, on disait là, War Zone, là, Combat Zone. Là. T'allais pas là. T'allais pas là. Et aujourd'hui, c'est un quartier ouvert. Les gens vont là. Il y a le théâtre Fox. Juste en face de l'autre côté de la rue du stade des Tigers, un théâtre d'autrefois là, vraiment là, luxueux, ben vraiment très très très belle architecture. Ce théâtre-là a été complètement rénové par la famille Elitch. Ouais. Puis aujourd'hui on présente des spectacles. Là. Écoute, c'est un nouveau, puis Détroit revit. Détroit revit. Moi, je me rappelle les premières fois que j'allais à Détroit avec le Canadien dans les années 80, à l'hôtel, les valets, les portiers nous disaient, nous demandaient où on allait. Et si on leur disait, bon, on va marcher, on s'en va à quel endroit, là? On s'en va à l'aréna de Joe-Louis, on va marcher jusque-là. Et on nous regardait, non, vous devriez pas. C'est ce qu'on nous disait, là. Puis parfois, on allait dans les restaurants, on nous offrait la limousine pour venir nous mener, parce que là, on disait, non, vous n'allez pas marcher jusque-là, là, c'est trop dangereux. Ouais. Marc, très intéressant, on rappelle que ben, c'est arrivé en région aussi, je l'ai vu, on rappelle que c'est aux éditions, le journal, les éditions du Journal de Montréal. Oui. C'est en vente actuellement. Je pense que c'est quoi? C'est 39,95, si je ne m'abuse, à peu près? Non, 34,95. 34,95, OK. Et on invite évidemment les gens à aller, à se procurer. C'est, je vous dis, là, c'est un très, très beau livre. C'est juste la petite critique. Puis c'est pas une critique constructive. Non, c'est pas... Écoute, il n'y a rien de parfait. Non. Puis, écoute, tu as bien fait... Non, moi, écoute... Les capitales de Québec. Tu as bien fait d'apporter ce point-là. Comme je dis, peut-être que ça sera pour une prochaine fois, mais comme je te dis, c'est pas une encyclopédie, c'est plus un recueil de souvenirs. Ouais. Et les capitales, peut-être qu'on aurait dû leur consacrer une section. Oui, effectivement. Ça sera pour une autre fois. Oui, Marc, un gros merci. On s'en reparle peut-être quand le Canadien à la fin. J'étais au match hier et je peux te dire que il y avait longtemps que j'avais vu une telle atmosphère au Centre Bell. Ben, c'est l'atmosphère des séries éliminatoires, hein. Puis peu importe ce qui arrive. Moi, je suis. On va en parler un petit peu. Moi, je suis comme peu importe ce qui arrive, je pense que je suis satisfait. Rappelle-toi, il y a un an l'année passée, Marc, il n'y avait rien dans le réseau des filiales. Il n'y avait rien. Là, actuellement, Bergevin a beaucoup d'argent sur la cape salariale disponible. Beaucoup de relais aussi au centre. S'ils font pas essayer, en tout cas, comme il disait, il y aura un gros pas de fait. C'est sûr que Carey Price a connu toute une saison, puis moi, je prétends dire que si Carey Price n'aurait pas été là, peut-être que le Canadien serait pas là, mais il est payé 10 millions sur rien. Ben, si, admettons, là, ben, c'est sûr que là, on peut dire bien des choses. Ouais. Mais si Carey Price avait joué de la façon dont on le voit présentement au début de la saison, peut-être que la place dans les séries serait déjà assurée. Ben oui, il faut pas mettre ça sur la tête d'un, les épaules d'un seul joueur. Ça, on peut parler de l'attaque à 5. Ben, c'est quand même l'attaque à 5, si ça avait produit à la hauteur, disons, de 20%, je pense que ça serait déjà fait. Et si Niemi avait des choses, mais quand même, ce qui est beau, c'est que on s'attendait absolument à rien de cette équipe-là. On avait vu ce qui s'était passé l'an dernier. Lorsque Marc Bergevin a effectué ses transactions, on s'est dit, bon, on verra. Mais cette équipe-là nous donne tout un spectacle cette année. Faut lui rendre le mérite qui lui revient. Les gars travaillent. C'est une équipe travaillante et les joueurs se tiennent, se serrent les coudes. C'est le jour et la nuit avec l'équipe qu'on voyait l'an dernier. Marc, gros merci. On invite les gens à se procurer le livre et au plaisir de se parler. Merci. Marc Defoy du Journal de Montréal.